Sharon, on t'entend plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne t'entends pas ni chanter ni jouer. Je ne t'entends pas. Je ne sais plus pourquoi. Je ne t'entends pas jouer. Je ne t'entends pas. Robbie, can you go louder? I cannot increase your volume anymore. You're way up in my mix. You're way up. Can I be louder in my mix? Would you get louder? Thank you. Toujours, quand on est sur un serveur Ninbot, c'est toujours enregistré. Nice to see you. Et ben, il suffit d'aller sur le serveur, tu mets ton nom, et t'as toutes les jams auxquelles t'as participé sur un serveur Ninbot que tu peux réécouter. Tu peux séparer les pistes, tu peux écouter, avoir une seule piste. Voilà, tu peux écouter en ligne sans faire chier. C'est super. C'est sur ninbot.com. Ouais. So, how is Australia? Glory.